Bonjour les petits papouins. Vous pouvez pas vous endormir avant que je vous ai raconté une histoire. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. La planète des contes, cinquième et dernier épisode. De l'homme et de la femme, qui l'emporte ? Fonctionnaire. Intermittent. Ouais. Pas possible. Doux rêveur. Ouais, genoux enflés. Non, t'étais pas là. Ouais, frisette. Tu mens. Rhododendron échevelé. Le comté répond dans une soirée de contes. Il y en a encore dans certaines maisons, certaines longues nuits d'hiver. On peut entendre des parties rapides de devinettes, ou bien, ici c'était à Alès, au festival Parole d'Alès, des joutes, et tout se déroule toujours de la même façon. Action, réaction, comme dans les soirées de contes, lundi il y avait, et l'autre enchaîne, il était une fois. La question aujourd'hui, c'est de savoir qui de l'homme ou de la femme l'emporte à l'heure. On a cru pouvoir affirmer que les conteurs hommes étaient avant le XXe siècle sans doute plus nombreux que les femmes, mais leur fonction traditionnelle n'est plus. Et aujourd'hui, écrit-on, chez les conteurs professionnels ou amateurs modernes, le centre de gravité se serait déplacé du côté des femmes. L'habitude est aussi de dire que les contes ont dessiné aux femmes des horizons d'illusions et qu'il serait temps de se débarrasser des stéréotypes de genre qu'ils auraient cherché à instituer. Alors, on va regarder tout ça de plus près avec Bernadette Bricout. Je vous vois, Bernadette Bricout, professeure de littérature orale, vice-présidente de Paris Diderot, froncer le sourcil. Pas du tout d'accord avec ce chapeau. Je suis pas d'accord avec votre chapeau, ça commence mal, parce que l'idée que les hommes ont été au cours des siècles de plus grands transmetteurs de contes que les femmes, c'est vraiment quelque chose qui ne tient pas la route. D'abord parce que dès l'Antiquité, on a confondu dans le même mépris les femmes et les enfants. Les femmes qui étaient vraiment les vecteurs de la transmission orale familiale. Déjà, le Cicéron les appelait des fabulae aniles, des récits de vieilles, des contes de vieilles. Et vous voyez d'ailleurs quel mépris il y avait dans cette formulation-là, parce que un propos de femme, c'est déjà pas grand-chose. Et un propos de femme qui peut-être n'a pas toute sa tête, ben c'est tout juste bon à amuser les enfants, et encore les tout-petits-enfants, où l'on retrouve le stéréotype de la merloie, de ces contes ridicules, de ces contes à dormir debout. Or, on sait bien que les femmes ont été de très grandes transmetteuses de contes, et notamment de contes merveilleux, des récits de tradition orale, à la fois dans les familles et au village, dans les veillées. Et on a des conteuses qui ont un répertoire extraordinaire. Le XXe siècle n'a pas attendu... on n'a pas attendu le XXe siècle pour découvrir la parole des femmes dans ce domaine. Alors, c'est vrai que certains ont dit que les femmes, notamment, il y avait un Allemand, Hermann Bausinger, qui soutenait que les femmes étaient plutôt dans la transmission du merveilleux, les hommes plutôt dans la transmission du récit de peur et du conte facétieux. Mais on s'aperçoit que chez les très grands conteurs, chez les conteurs doués, artistes à part entière, cette distinction ne vaut pas. Voilà. On va commencer par une interprétation à deux. Un homme, une femme, d'un conte fameux qui s'appelle le pot de basilic, mais peut porter dans d'autres versions d'autres noms. Alors, je ne sais pas comment vous présenter Henri Gougaud, parce que vous allez être à des interprètes avec Bernadette Bricout de ce conte. Ah ben, peut-être, je peux dire, ancien producteur de la tranche horaire de France Inter, où nous sommes. Nous sommes aujourd'hui, oui. Exactement, Henri. C'était, les années 78 et 79 et un peu 80, oui. Oui, j'étais là à votre place. Et vous disiez un conte. Et je racontais des histoires, oui. Alors, le pot de basilic. C'est une plante d'abord qui a des rapports étroits avec le sacré. Vous savez que c'est la même racine, bien sûr, basilicum, que pour la basilique. C'est une plante qui est supposée protéger la maison. Dans l'Antiquité grecque, toutes les maisons avaient leur pot de basilic. C'est une plante aromatique, c'est une plante à laquelle on prête des vertus qui sont peut-être aphrodisiaques. En tout cas, elle a à voir avec l'amour. Et au printemps, à la saison des roucoulements, les garçons offraient aux jeunes filles aimées du basilic. Donc, le basilic a à voir avec le miel de l'amour, avec l'érotisme, avec la parole de miel. Dans le Décaméron de Boccace, Isabeau aime Laurent, les frères d'Isabeau, qui jugent que ce mariage serait un déshonneur, tue Laurent, et Isabeau retrouve la tête de Laurent, qu'elle enterre dans un pot de basilic qu'elle arrose de ses larmes. Comme Cendrillon arrosait la tombe de sa mère de ses larmes. Et ses larmes ont une vertu fécondante. Et le basilic va l'accompagner. Il participe vraiment de sa douleur. C'est d'ailleurs la richesse, la splendeur du pot de basilic, car on n'a jamais vu si beau basilic sur la terre, qui finira par alerter, en quelque sorte, l'attention de ceux qui se demandent d'où vient la beauté du basilic. Mais là encore, vous le voyez, ce basilic, il est lié à la mort et à la vie. C'est une plante qui nous accompagne tout au long de notre vie et qu'on retrouve dans certains contes religieux. L'Italie, avec Boccace, a fourni une version très connue du pot de basilic. Il en est d'autres, de la même péninsule ou bien de Corse. Alors vous avez procédé, le conte, ça fonctionne comme ça, à une agglutination, à une contamination, un enchâssement, on ne sait pas comment dire, oui. Henri Gougaud. Mais voici, version Bernadette Bricout, issue de la péninsule, le pot de basilic. Il y avait une fois, en Sicile, un chevalier qui se promenait. Tout à coup, il voit, à la fenêtre d'une maison, une belle jeune fille qui arrosait un pot de basilic. « Bonjour, mademoiselle sans souci. » « Bonjour, seigneur chevalier, quand viendra l'âge, viendra le souci. »« Combien de feuilles a ton basilic ?» demande le chevalier. Et la jeune fille reste interloquée. Alors, comme elle ne sait quoi répondre, elle s'en va trouver sa marraine, qui, elle, connaît les hommes et le langage qu'on tient aux hommes. Et la marraine lui dit « Si ce chevalier s'en revient, il te suffira de lui demander combien d'étoiles il y a dans le ciel ?» Combien de poissons dans la mer ? Le lendemain, le chevalier s'en revient. Bonjour, mademoiselle sans souci. Bonjour, seigneur chevalier. Quand viendra l'âge, viendra le souci. Combien de feuilles a ton basilic ? Et la jeune fille lui répond : combien d'étoiles dans le ciel ? Combien de poissons dans la mer ? Le chevalier s'en va. Un peu honteux, car il ne sait pas trop quoi répondre. Alors ce jeu de devinette est informé par une culture féminine. C'est la marraine qui donne les conseils les plus sages, qui apparaissent fous aux hommes, oui. À la jeune fille. C'est la marraine qui donne les conseils les plus sages en matière amoureuse, comme c'est la marraine ou la mère qui donne aux jeunes filles des conseils sur l'art de séduire un homme ou sur l'art de faire des enfants. C'est une transmission de femme à femme. C'est d'ailleurs une transmission qui se protège, comme l'avait montré Yvonne Verdier dans son admirable livre « Façon de dire, façon de faire », où elle montre à quel point, par exemple, l'atelier de la couturière a permis la transmission de ce savoir féminin. Et là, elle s'en retourne donc vers une femme plus âgée pour savoir comment répondre à l'homme, c'est-à-dire pour savoir comment se faire entendre à l'intérieur d'un dialogue qui est peut-être une préfiguration du dialogue amoureux, une sorte de roucoulement à l'essai, mais dont elle ne sait pas encore très bien quels sont les usages, ni quelle est la partition qu'elle y tiendra. Alors l'homme, je ne parle pas de vous là, Henri Gougaud, c'est d'habitude un professionnel du calcul. Du comptage. Pas Henri Gougaud. Il est clair que vous ne parlez pas de moi. Et la femme, elle est dans un autre univers ? La femme, elle est dans un autre univers et c'est d'ailleurs ce que nous dit le conte. À partir du moment où on se met à compter ses richesses, à compter ses enfants, à essayer de dénombrer, à faire des inventaires. Alors je sais bien que on va à l'encontre d'une culture qui est une culture comptable aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de chiffres dans nos sociétés. La tradition orale nous le montre. Compter ses richesses, c'est donner un pouvoir à l'autre et c'est peut-être aussi attirer le mauvais œil, attirer les esprits. Il y a une vieille bergère à laquelle c'est Henri Pourrat qui, sur lequel j'ai beaucoup travaillé à une époque de ma vie. Trésor des contes d'Henri Pourrat chez Gallimard, Bernadette Bricout, éditrice. Le savoir et la saveur que trop de libraires placent encore dans le rayon gastronomique en pensant que c'est peut-être un livre de cuisine. En fait, il s'agit de la saveur des contes. Et Henri Pourrat, interrogeant une vieille bergère en lui demandant combien elle avait de bêtes, eh bien, s'entendait répondre invariablement « Trop pour la peine, pas assez pour le profit ». Et il y a là un refus du comptage qui nous dit quelque chose de très fort. On va écouter la suite de l'histoire. C'est une surenchère perpétuelle, menée d'ailleurs par la femme, épisode numéro 2. La nuit venue, Thérésina, la jeune fille, regagne son lit, mais elle ne peut dormir. Elle se sent tourmentée. Son matelas la gêne, chaque fois que le sommeil la gagne, elle se sent réveillée brusquement par quelque chose qui la pique. Elle pleure, elle crie « Marraine, marraine, le matelas est plein d'épines, je n'en peux plus !» Mais la marraine la calme et la persuade qu'elle a fait un mauvais rêve. Enfin, le jour paraît, et comme chaque matin, Thérésina arrose son basilic et le fils du roi ou le chevalier se promène. « Thérésina, Thérésina, combien de feuilles a ton basilic ?»« Combien d'étoiles dans le ciel ?» répond la jeune fille. « Combien de poissons dans la mer ?»« Dis-moi, Thérésina, si mon aiguille ne t'avait pas piqué toute une nuit, crois-tu que tu n'aurais pas mieux dormi ?» Cette fois, ça n'est trop. Et Thérésina va se venger. À minuit, au palais du roi, un fantôme se glisse jusqu'à la porte du chevalier. Pam, pam, pam. Qui est là ? Je suis la mort qui frappe aux portes. Qui te veut, toi ? Prends mon père, prends ma mère, mais laisse-moi la vie. Et à chaque demi-heure, la mort frappe chez le chevalier qui, de plus en plus désespéré, s'écrie « Non, mort, laisse-moi que je puisse voir encore une fois ma Thérésina !» Et à sa fenêtre, Thérésina, le matin, attend le chevalier, tout en arrosant son basilic. « Thérésina, Thérésina, combien de feuilles a ton basilic ?»« Combien d'étoiles dans le ciel ?» répond la jeune fille. « Combien de poissons dans la mer ?» « Dis-moi, Thérésina, si mon aiguille ne t'avait pas piqué toute une nuit, crois-tu que tu n'aurais pas mieux dormi ? Et toi, fils de roi, si la mort n'avait pas frappé à ta porte toute une nuit, crois-tu que tu n'aurais pas mieux dormi ?» Fou de rage, le fils du roi s'en va chez la marraine et demande Thérésina en mariage. C'est un concours de ruses et de surenchères entre l'homme et la femme. Oui, et cette rage qui lui fait demander Thérésina en mariage appelle évidemment une explication, parce que nos auditeurs et nos auditrices vont avoir envie de connaître la fin de l'histoire. Il va la demander en mariage, mais c'est pour la mettre à mort. Car la seule logique que connaisse l'homme dans ce conte, c'est celle du pouvoir, et il est fils de roi. Donc, il décide de la mettre à mort au soir des noces, il la transperce d'un poignard, et lorsque le sang de Thérésina gicle à ses lèvres, éperdu de douleur, il se jette au pied du lit et il dit « Ah, ma Thérésina, si douce, si sucrée que son sang l'est encore, elle était ma vie, je l'aimais, et voilà qu'elle est morte. » Et ruse suprême de la femme, là. Eh bien, à ce moment-là, Thérésina, il menace lui-même de se poignarder de douleur. Il veut mourir, comme dans Roméo et Juliette, il veut mourir parce qu'il ne veut pas lui survivre. Elle sort de dessous le sommier et elle lui dit « Ne te tue pas, je suis sous le lit », car elle avait pris le soin de placer une statue ou une effigie ou une baudruche à sa ressemblance, une poupée gonflable avant l'heure. Oui, enfin, et une poupée d'où sortait un liquide. Le prince croyait que c'était du sang, Et ça avait un goût très doux, c'était du miel et du miel, c'était une poupée de lait et de miel. C'est comme le basilic, vous voyez, on est du côté de la douceur d'aimer. Alors ce que nous dit le conte là, et ce que nous dit ce dénouement, c'est d'abord que bien sûr la femme a le dernier mot, mais c'est aussi, et ça je crois que c'est très important, les questions de l'homme sont des questions qui vraiment ont porté, bon elles ont porté au départ sur le basilic, il essayait d'exercer sa domination dans la nuit en la piquant, alors qu'elle, elle l'a mise en face de son existence mortelle. Je suis la mort et je viens te chercher. C'est la parque, c'est la parque. La femme aux origines de la mort et de la vie, mort à laquelle il répondra superbement « Prends mon père, prends ma mère et laisse-moi ». Maintenant, la joute va s'amplifier. Papageno, Papagena, Mozart, c'est déjà de la joute. Bist du mir nun ganz ergeben? Nun so sei mein liebes Weibchen. Mein liebes Weibchen, mein Herzensweibchen. Welche Freude wird das sein? Wenn die Götter uns bedenken. Unsere liebe Kinder schenken. Unsere liebe Kinder schenken. So liebe kleine Kinderlein, Kinderlein. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Dans la société orale, qui est un espace acoustique, un, la joute, comme le conte, c'est le même jeu, action, réaction, et la même question qui nous occupe avec vous dans ce cinquième épisode de notre planète des contes, Bernadette Bricout, qui de l'homme ou de la femme l'emporte. Alors il a fallu aller chercher dans les ressources du répertoire lyrique, Mozart, parce que quand on cherche des enregistrements de joutes, celles de Corse, celles de Sardaigne, les enregistrements de Lorta Jacob auxquels on avait pensé, celles de Bretagne, le Canadiscan, on ne trouve que des joutes d'hommes. Oui, on ne trouve que des joutes d'hommes qui se placent précisément sous le signe de la maîtrise stylistique, de la maîtrise du chant, de la maîtrise du rythme, de la maîtrise de l'improvisation, alors qu'il est d'autres types de joutes, mais faut-il encore parler de joutes, puisqu'on le voit pour Papageno et Papagena, il s'agit de voix qui se répondent et qui peu à peu vont s'accorder, et qui nous parlent de la manière dont se construit un couple. Peut-être que, avant de vivre l'amour, et avant de le faire, il faut d'abord que les voix s'accordent. Et Barthes disait, la première forme du coitus reservatus, c'est le marivaudage. On commence à se toucher avec des mots. Eh bien, c'est précisément ce que nous disent ces concours de devinettes. Et vous remarquerez que dans le pot de basilic dont on a parlé il y a un instant, les devinettes restaient sans réponse. Combien de feuilles a-t-on basilic? La fille répond dans la version d'Italo Calvino, laisse donc ma plante où elle est, pas besoin de les compter. Et la question des étoiles dans le ciel et des poissons dans la mer restera elle aussi sans réponse. Alors on a aussi des joutes où alternent des voix d'hommes et des voix de femmes, comme par exemple dans les chants populaires Quan Ho de Bac Ninh au Vietnam, où on a des voix d'hommes et des voix de femmes qui se répondent. En général, ce sont des chants d'amour. Ce sont des chants d'amour qui se formulent après la cérémonie du Nouvel An. Donc, ce sont des chants qui vont accompagner la naissance de l'année, le retour de la vie, le retour de la fertilité. Donc, ils sont interprétés selon des rites, entre des groupes. Mais la coutume interdit au Vietnam d'épouser un partenaire de chant, alors qu'heureusement dans le conte, cet interdit-là n'existe pas. Bah oui, alors à quoi bon ces chants alternés, préludes aux alliances? Ici, un reportage pour la matinée des autres avec Brigitte Stenmann chez les Tamang, une ethnie du Népal. Alors les chants alternés sont chantés entre des groupes de garçons et de filles du même âge qui se rassemblent en général à l'occasion de tous les grands événements rituels. C'est-à-dire que pour se marier, on doit d'abord s'affronter rituellement dans ces groupes de garçons et de filles qui se posent des questions. C'est-à-dire si une fille ou deux filles ou trois filles, ça dépend, le nombre est variable, décide de répondre à un groupe de garçons, alors à ce moment-là, la joute s'engage. D'abord, on se tâte, on se cherche, on demande, on cherche le meilleur partenaire. Et aussi, essentiellement, on cherche à accorder son répertoire. C'est-à-dire il y a, si vous voulez, des sortes de métaphores qui sont déjà fixées. On dit, par exemple, c'est l'oiseau Mainbari qui chante dans tel arbre... Sur le péché poussent les pêches, c'est au moulin qu'on tamise la farine. Maintenant, réponds-moi. Alors, ces phrases sont des allusions à la vie quotidienne et elles peuvent être des allusions un peu plus savantes. Alors, à ce moment-là, elles font allusion à certains mythes ou à des parties du rituel. Donc, il y a des chants alternés ordinaires, des préludes aux rencontres et aux mariages. Et puis, il y a des chants, il y a parfois des questions qui deviennent un peu plus compliquées. Et alors là, sous forme d'énigmes. Ce qui me frappe dans le commentaire qu'on vient d'entendre, c'est que Brigitte Steinmann insiste à juste titre sur la mise à l'épreuve que représente la devinette. La devinette qui est peut-être avec le conte, mais de manière beaucoup plus brève, parce que c'est vraiment une toute petite perle de parole, l'une des formes les plus fascinantes pour l'imaginaire poétique. La devinette, c'est une mise à l'épreuve. Les enfants le savent bien, ils disent « je donne ma langue au chat ». Mais pensons à l'énigme du sphinx, c'est vraiment « devine ou meurt ». Celui qui ne détient pas la réponse mourra. Or, il est des devinettes qui restent sans réponse et il est des devinettes aussi, comme elle le dit, qui concernent vraiment les grands mystères de la vie. Alors pourquoi les femmes l'emportent ? Parce qu'elles sont plus concernées par les grands mystères de la vie ? Parce qu'elles sont habituées à des travaux tout en finesse qu'on fait pendant le comptage ? La dentelle, la broderie, parce qu'elles font la cuisine, qui est un art très élaboré ? Oui, mais aussi parce qu'elles sont... Peut-être de par les liens qu'elles entretiennent à la vie et à la mise au monde, plus proches des mystères du monde, des voies de la nature, puisque dans le conte, n'est-ce pas, tout parle un langage et c'est un langage obscur. Et on s'aperçoit que très souvent, les femmes sont plus proches de la parole formulaire que les hommes. Parce que très souvent, elles entendent des choses que les hommes n'entendent pas. Et dans les devinettes, d'ailleurs, pensez que la sphinge, le sphinx, c'est un monstre femelle. C'est une sphinge qui met Œdipe à l'épreuve. Et c'est à lui de répondre. Je crois que la voix des devinettes, comme la voix des berceuses, est une voix de femme. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que vous avez l'ouïe plus fine que nous. Mais je vous suis reconnaissant de ne pas avoir dit que vous avez la parole plus délicate. Ici, nous sommes à Alès. Un festival qu'en son temps dirigea Henri Gougaud. Nous sommes en 2008. La situation a dû se dégrader depuis l'époque, Henri Gougaud, vous dirigiez ce festival. On organise maintenant des concours d'insultes entre femmes. Abondée hollandaise, crétine, souliers à satin, perruque usée, escarpin, joue creuse, ersatz, menton tiré, raclure, cou mou, tout d'ordure, cuisse ratatinée, peau de poubelle, perturbée, cuisse de grenouille, congénitalement ratée, psychopathe, cheveux mous, décanalisés, jambes écrasées, Woody Allen, deux cheveux pourris, petit Bourville, et toi-même, grand Renault, cheveux dressés, conte chinois, les chaudières, fable de la fontaine, mal fagotée, bruyère, ripouille, giroflée, nez mou, coquelicot, perle à papin, trou du cul, truc, trou de pine, trou d'hostie, sans couille, et toi aussi, couille sèche, ton cul, clitoris tordu, ton épaule malade, nez coulant, remimentrice, foutre sec, cachotrice, foutre déguisée, menteuse, reste de foutre. Oui, alors vous dites qu'on organise aujourd'hui des concours d'insultes entre femmes, mais je dois vous dire que du temps où j'ai connu, avec Henri Gougaud, le festival Parole d'Alès, les concours étaient mixtes. Et je peux vous dire que pendant 3 années, pour les concours auxquels j'ai assisté, à partir des quarts de finale, il n'y avait plus que des femmes. Aucun homme n'est jamais arrivé en demi-finale. Jamais, jamais, jamais. D'accord, mais le don vient d'où ? Dans les concours d'insultes, les femmes sont beaucoup plus fortes que les hommes. Et je me souviens qu'on avait la deuxième année, après le succès des premiers concours d'insultes, organisé concours de mots d'amour. Là, elles étaient beaucoup moins performantes. Et les hommes étaient en général beaucoup moins inspirés parce que, curieusement, on ne peut pas déclarer son amour sur commande. Alors que de parfaits inconnus, ou inconnus eux, peuvent parfaitement rentrer dans la dynamique de concours d'insultes parce qu'on est dans la facétie, parce qu'on est dans la stylisation. Donc, voici beaucoup de représentations renversées, surtout avec ce dernier épisode, Bernadette Bricout, à celle qui, influencée peut-être par certaines théories féministes sur la construction du genre, vous disent que le conte populaire, il faut le jeter aux orties si on veut que soit mieux établie l'égalité entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que vous répondez ? Oui. Avec l'agacement hein, qui oui, mais vous caractérise quand on aborde cette question, n'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas, nous ne sommes pas dans un concours d'insultes, mais je vais répondre. Non, c'est vrai qu'il y a une idée reçue, il y en a deux. Il y en a une qui dit « la plupart des héroïnes de contes sont des héroïnes victimes, alors que les hommes sont du côté de la quête ». Et on pourrait répondre en donnant des contre-exemples qui sont extrêmement nombreux, de la petite fille qui cherche ses frères à la femme à la recherche de l'époux disparu, de demoiselle Malène. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'héroïnes qui sont des héroïnes quêteuses et on a aussi des héros victimes qui vont parfois être secourus par une donatrice féminine. Donc ce stéréotype-là ne tient pas. Mais il y en a un plus important, vous avez raison, qui voudrait que le conte soit une forme de, comment dire, d'évasion pour des Madame Bovary au petit pied. C'est-à-dire, on va subir sa vie ou se résigner à une existence sans rêve en se racontant des histoires de princes charmants. Et moi, je crois que le conte a une autre vertu, d'ailleurs une vertu pour les hommes et pour les femmes que nous avons peut-être éprouvée au plus noir de la nuit, parce que, attendez, ce sont quand même des récits qui ont traversé les siècles et les millénaires et qui sont parvenus jusqu'à nous avec une extraordinaire vitalité, c'est de non parler de ceux qui donnent sens à la vie, de ceux qui fortifient la vie, de ceux qui nous rend plus forts alors même que tout semble nous avoir abandonnés, de ceux qui nous aident à traverser l'épreuve. J'ai un ami, Michel Zin, qui est un grand médiéviste au Collège de France, qui a là-dessus une formule magnifique. Il dit « La vie est un roman, mais la vérité de la vie, c'est le conte. Dans la vie et dans le roman, on souffre et on meurt, mais la vérité de la souffrance et de la mort, c'est l'amour et l'espoir qui sont dans le conte. » Et cela vaut pour les femmes comme pour les hommes. Mais les femmes dans les contes, pour revenir à votre première question, ne sont pas du tout si mal loties. Elles ont des pouvoirs, simplement, ce sont des pouvoirs d'une autre nature. Merci à vous Bernadette Bricout, qui est venue aujourd'hui en compagnie d'Henri Gougaud. Allez, je mêle les branches de l'arbre qui parle, c'est chez Silène, une collection dirigée par l'un de vous, et Les charmes du quotidien merveilleux, c'est une collection animée par l'autre. Et puis je rappelle les titres de vos récents livres, Bernadette Bricout, l'un consacré au conte du foyer et du logis. Oui, c'est la mémoire de la maison, parole du logis et conte du foyer. C'est chez Albin Michel. Et la clé des contes que vous avez utilisée avec nous tout au long de cette semaine, c'est au seuil. L'émission était préparée tout au long de la semaine par Martin Cellier, réalisée par Jacques Sigal, et aujourd'hui à la technique Guillaume Roux.